おはようございます。 J'entends un gars me dire Pretty fly for a hentai. Un jour je passais devant une librairie. Je recherchais un animant comme tous les mercredis. Et je suis tombé sur un vieux numéro de Gaïcha. Et ce que j'y ai vu, ça m'a bien foutu l'angoisse. Tu pouvais y voir une infirmière belle comme un manga avec des lubarères. Se prendre une guignette de 35 mètres. Je m'aime Rocco, il n'a pas la même. Quand je suis regardé, j'ai pensé que même si je pouvais, je ferais jamais assez. Et que ma copine dirait hey, hey, mais qu'est-ce que tu ferais? Give it to me, baby. What's up, what's up? Give it to me, baby. What's up, what's up? Give it to me, baby. What's up, what's up? J'entends un gars me dire break time for a hentai. Je suis parti direction une autre librairie. Retrouver mon anime blanc comme tous les mercredis. Et je suis tombé sur un numéro d'Entai Mag. Et ce que j'y ai vu, ça m'a refoutu l'angoisse. Y'avait un manga sadomaso avec des feuilles en cuir et des insectes pas beaux. Ils sont piqués avec des vers. Et le verre n'avait pas son mot à dire. Quand je suis regardé, j'ai pensé on peut être un SM en restant écolo. Et que ma copine dirait hey, hey, et ma classe à l'eau. Les hentai, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Faut plus qu'être né au Japon pour piger ce qu'il faut entendre. J'ai même essayé d'en dessiner un vélo ou deux cases. J'ai laissé tomber, alors il a jarté à la poubelle. Give it to me, baby. What's up, what's up? Alors je suis rentré à la maison, les mains aussi vides que des poches de mon blouson. Et je suis allé sur l'internet, et là terrible, ça continuait. J'ai vu 3000 fenêtres sur du hentai, et quand moi j'ai vu ça, j'ai fait aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. Ma mère a débarqué, elle a vu mon écran saturer. Et voyant ça, elle a hurlé hey, hey, hey, mon fils est taré.